coupure de presse dans le monde diplomatique d'avril 2016, laissez passer. Un article de la London Review of Books compare les formulaires de demande de visa de plusieurs États. Le Pakistan requiert que l'on fournisse un signe distinctif, son groupe sanguin, sa confession et son dossier militaire. La Birmanie opte pour l'autoportrait, chacun doit donner la couleur de ses cheveux, celle de ses yeux, sa taille et sa couleur de peau. La République démocratique du Congo, RDC, exige qu'on prouve sa bonne moralité et qu'on démontre que son hôte, en RDC, est bien une personne physique ou morale. Le Japon est particulièrement soucieux de savoir si le candidat consomme de la marijuana, de l'opium ou d'autres stupéfiants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui met des visas spéciaux à la disposition des propriétaires de yachts, des comédiens ou des groupes de gospel, demande un certificat de bonne santé, une radiographie des poumons, un test de dépistage, du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, et un certificat de moralité émis par les autorités de police locale. La Chine souhaite savoir si vous souffrez de déséquilibre psychologique sévère ou de tuberculose pulmonaire. La quasi-totalité des pays se montre curieux d'éventuels antécédents dans le domaine de la prostitution ou du commerce du sexe, mais pas la Thaïlande. La perle demeure le formulaire pour l'obtention d'un visa américain. Il s'intéresse à la stérilisation forcée, à la prostitution, aux maladies contagieuses, à la polygamie, aux turpitudes morales, à l'espionnage, à la torture, une pratique dégradante dont chacun sait que les États-Unis la condamnent, au terrorisme physique ou rhétorique. Eh oui, la question relative à une adhésion au Parti communiste y figure toujours. Micro ouvert. Il y a certaines jungles qu'on se plaît à regarder à la télé, genre dans The Island ou Koh-Lanta. Mais il y en a d'autres qui divisent beaucoup plus. Oui, parce que quand les migrants sont bloqués à Calais, on parle de jungle. Jungle, seriously? La jungle, on sait tout ce que c'est. C'est une forêt tropicale avec plein d'animaux sauvages et indomptables, des plantes exotiques mortelles et des arborigènes qui te visent à la sarbacane, quoi. Alors, c'est pas un endroit fait pour vivre, c'est fait pour survivre. Du coup, la jungle de Calais, que vous avez vu dans tous les JT, c'est près de 6000 migrants bloqués près de la frontière anglaise, à quelques kilomètres du centre-ville de Calais. Et si on en parle autant en ce moment, c'est suite à l'accélération des décisions de justice entraînant l'évacuation d'une partie du camp et sa destruction au tractopelle. Mais avant qu'on rentre dans le détail, c'est important qu'on se pose et qu'on explique ce que c'est que cette jungle et pourquoi elle existe. Alors déjà, on peut la voir simplement comme un camp de migrants et réfugiés qui s'est installé au fur et à mesure à proximité de la ville de Calais. Et ça date pas d'hier, hein, sauf si vous regardez cette vidéo en 1999, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu en fait un afflux de personnes provenant du Kosovo en guerre et qu'on a créé un centre d'accueil à Sangatte, une commune qui est à côté de Calais. Du coup, l'État y a réquisitionné un hangar de 27 000 m² appartenant à Eurotunnel et la gestion du centre a été confiée à la Croix-Rouge. Alors, l'idée, c'est que les migrants puissent attendre dans le hangar le temps qu'on leur donne les autorisations nécessaires. Sauf que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir une autorisation, donc ça a bloqué, et on se retrouve à 1800 personnes dans un centre prévu pour accueillir 800 personnes. Hein, imaginez la crise du logement à Paris, sauf qu'il n'y a pas de logement et que c'est pas à Paris. Voilà. Donc, voilà. Pour vous donner une idée, en 3 ans, Sangatte a vu passer près de 68 000 migrants. Hein, y a du passage, et ça dure jusque 2002. Après, on ferme le centre de Sangatte et on le détruit, parce qu'on a enfin trouvé une solution, et donc il n'y avait plus besoin du centre. Voilà, enfin, c'est ce que j'aurais aimé dire. Mais non, hein, les politiques l'ont juste détruit pour le symbole. En réalité, la fermeture du centre a laissé place à ce que l'on appelle la jungle de Calais. Donc depuis la création du camp, le problème n'a jamais été réglé. Ça a juste changé de nom, ce qui fait que ça a embrouillé l'opinion publique. C'est le retour des réfugiés en masse qui est nouveau. Par contre, il y a une question que tout le monde se pose, c'est on a du Saint-Tropez, du Quiberon, des putains de stations de ski et Paris-Plage. Pourquoi ils vont tous à Calais, quoi? En fait, attention spoiler, ils sont pas là pour prendre du bon temps. Eux, ils veulent aller en Angleterre. 46% des migrants calaisiens ont déclaré avoir suivi les conseils de leur communauté dans ce choix de destination. Et 38% ont un membre de leur famille installé en Angleterre. Donc oui, en gros, le Royaume-Uni attire beaucoup plus les migrants que la France. Hein, ils ont de la famille là-bas, ils parlent anglais, c'est plus simple d'y trouver un job. Du coup, ils n'ont pas pour but de s'intégrer en France. C'est une partie du problème aussi. Donc, on a des populations qui rentrent en Europe par plein de portes différentes et qui se retrouvent bloquées à la frontière anglaise chez nous. Alors, Pour vous dresser le tableau, il y a peut-être 5 350 personnes en train de faire du camping près de la mer du Nord. On est très loin d'un camp de vacances. Il faut déjà imaginer un camp entre un marais et une autoroute. Les familles sont dans des tentes. Les sanitaires n'ont de sanitaire que le nom. Et ce qui sert d'épicerie n'est là que pour les nécessités. Parce que oui, dans ces conditions, je peux concevoir que le Red Bull soit une nécessité. En plus de ce qu'on voit là, il baigne dans un environnement assez violent et à tous les niveaux. Violence policière, violence de militants d'extrême droite, violence entre migrants. La situation est complexe, et notamment pour les femmes et les enfants. T'as plusieurs associations comme Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières qui ont dénoncé de graves atteintes à la santé et aux droits des femmes. Et il y a des violences multiples. Viols, prostitution, grossesse non désirée, infections sexuellement transmissibles. Et du coup, il y a des zones sanctuarisées et sécurisées qui leur sont maintenant réservées. Hein. T'as même certains pères seuls avec leurs enfants qui les ont confiés à des mères dans ces sanctuaires afin de les préserver. On est en France, quoi. Et depuis plusieurs mois, la situation s'envenime. Les migrants s'appuient sur des réseaux de passeurs pour tenter de rejoindre l'Angleterre, sauf que les passeurs, ils sont organisés. Ils profitent de la situation et ils squattent eux aussi la zone. Hein, les mecs développent un véritable business estimé entre 3 et 6 milliards d'euros sur l'ensemble de la zone Europe. Alors le chiffre peut paraître abstrait, mais il vous parlera peut-être mieux si je vous dis que le PIB du Monaco était de 5,32 milliards en 2014. C'est juste hallucinant. Et les mecs vont même jusque développer des filières low cost à 500 euros le passage vers l'Angleterre à bord d'un camion qui leur appartient évidemment pas. Et je serais pas surpris que parfois ce soit eux-mêmes qui les conduisent. Hein. C'est le Ryanair un petit peu de l'immigration clandestine. Non, parce que vous avez sûrement déjà vu des images de migrants qui essaient de passer vers le Royaume-Uni en montant dans des camions, des ferries, voire même en essayant de s'introduire dans le tunnel sous la Manche. Et ben c'est souvent via ces réseaux de passeurs. Et c'est assez fréquent puisqu'il y a eu 30 000 tentatives d'intrusion en 10 mois d'après Eurotunnel. Et franchement, je comprends cette volonté de partir. Le problème, c'est que la jungle de Calais, bah, c'est pas celle de Jumanji, quoi. T'en sors pas en faisant un 5 ou un 6. Les points de passage sont bloqués et la vie doit s'organiser sur place. Du coup, inévitablement, ça impacte directement la population locale. Parce que faut pas oublier que cette situation a fait peser sur tout Calais et ses environs. Les chauffeurs de camions, par exemple, bah, ils doivent vérifier chaque centimètre carré de leur camion, passer par des procédures de vérification, des douanes beaucoup plus complexes, bref. Et se retrouvent parfois confrontés à des attaques. Et ça en fout certains, quoi. J'aurais jamais pensé qu'un bord de route puisse avoir une si mauvaise ambiance. Hein. Et à Calais, c'est pire. C'est la vie de la population qui est directement touchée. La maire de Calais, en porte-parole, parle d'une prise d'otage des Calaisiens. Ce qui se comprend, parce que les arguments sont nombreux. Ça va du sentiment d'insécurité, l'impression d'afflux dans les hôpitaux à cause des conditions de vie dans les camps, et surtout que les gens sont à bout, quoi. Ils subissent le problème depuis 15 ans, les mecs. Alors, Calais, c'est 72 000 habitants. On parlait de 6 000 migrants tout à l'heure, c'est un peu moins de 10%. Donc bien évidemment, ça crée des tensions. Pendant ce temps-là, certains regrettent le passé de leur ville. Avant, c'était une ville joyeuse. Bon, alors une ville joyeuse, ne nous emballons pas, mais c'est vrai qu'il y a toute une population qui vivait grâce au tourisme. Aujourd'hui, les commerçants et restaurateurs sont dans une situation difficile et subissent l'image de zone de guerre perpétuellement véhiculée par les médias. Alors, en seulement quelques mois, le secteur de la restauration a diminué de 40% et les commerces de détail de 20%. C'est beaucoup. Hein. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans une zone qui se sent délaissée depuis 15 ans? Bah, les gens essaient de prendre les choses en main et les manifestations anti ou pro-migrants à Calais deviennent fréquentes. Comme sur cette séquence, par exemple, qui a buzzé il y a plusieurs semaines et on voit un habitant sortir avec son fusil. Donc si on résume pour l'instant, on a des migrants et des réfugiés empaquetés qui vivent dans des conditions horribles, des Calaisiens qui sont à bout et une situation qui s'envenime et s'enlise. Hein, c'est hyper complexe. En fait, pour bien comprendre Calais, il va falloir dézoomer un peu et regarder le problème dans sa globalité. Calais, c'est une conséquence directe de la crise des migrants qui secoue l'Europe depuis les années 2010. Hein, bien résumé ici par cette carte que je vous mets en description. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, annonce aujourd'hui que depuis janvier 2016, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe via la Méditerranée. En 2015, ce chiffre n'avait été atteint qu'en juin, alors que c'était déjà une année où on avait vécu une explosion du nombre d'arrivées. Et sur ces 100 000, il y a plus de 90% qui sont arrivés en Grèce, qui évidemment ne peut pas les accueillir. Hein, parce que je vous rappelle que les Grecs ne sont pas au top niveau thunes et moyens d'accueil. Du coup, les proportions de ce problème, elles sont juste énormes. En fait, Calais, c'est un point de crispation autour d'une crise bien plus globale. Et cette crise globale, elle est avant tout une crise politique. L'Europe est archidivisée sur la question. L'Allemagne, pour des raisons principalement économiques et démographiques, a choisi d'accueillir plus d'un million de migrants avant de freiner le rythme des entrées. Et elle est favorable en plus à un système de répartition par quota. Alors que la France, bah, par exemple, elle est contre. Il y en a d'autres, comme la Hongrie, qui ne veulent même pas entendre parler de migrants. Donc, comme il n'y a pas de décision commune, les décisions se font au niveau des différents pays et chaque décision d'un pays a des conséquences dans les pays voisins. Par exemple, en prévision de la possible évacuation d'une partie de la jungle de Calais, la Belgique a rétabli le contrôle aux frontières avec la France il y a quelques semaines. Ou encore la Macédoine, un petit pays qui fait la salade, qui vient de décider de ne plus laisser rentrer les migrants afghans, les obligeant à rester en Grèce, créant un nouveau méga-Calais en Grèce, ce qui est beaucoup moins drôle que le jeté à Mykonos. Et c'est pour ça qu'un camp deux fois plus grand que Calais est né à Indoménie, où s'entassent désormais plus de 11 000 migrants. C'est énorme. Et cet effet domino de frontières, il va jusqu'à la Turquie, point de passage obligé pour les migrants et réfugiés syriens notamment. Et du coup, ça bloque aussi. Et il y a aujourd'hui plus de 2 millions de Syriens, c'est-à-dire 10% de la population de la Syrie d'avant-guerre, qui vivent en Turquie et en Jordanie. Pour vous donner une idée, les camps en Jordanie, ça ressemble à ça. 80 000 Syriens dans le camp de Za'atani en Jordanie. Tu prends Calais, tu multiplies par 10, et c'est là que tu réalises que Calais à côté, bah, c'est pas une jungle, c'est un terrain de mini-golf dans le Lot-et-Garonne, quoi. Donc moi, quand j'entends les migrants dehors ou fermons nos frontières, je trouve ça complètement déconnecté de la réalité. Calais, c'est pas nouveau. C'est un phénomène qu'on a connu, qu'on connaîtra à nouveau tant qu'il y aura des guerres à nos portes. C'est mathématique, quoi. C'est genre, c'est un théorème. Genre, quand t'as une guerre et que t'as une partie de la population civile qui est touchée, bah, cette population, elle fuit son pays pour d'autres territoires où elle a des attaches. Par contre, c'est pas parce que c'est logique que c'est souhaitable, ni pour les Calaisiens, ni surtout pour les migrants qui se tapent des trajets incroyablement dangereux, quoi. Donc voilà. Peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Et je prends pas trop de risques en disant que c'est ni le démantèlement des camps et le relogement des personnes concernées, ni le changement de politique de la gestion des frontières extérieures de l'UE qui, à eux seuls, vont régler ce problème de manière durable. Et la preuve, c'est que à peine une partie de la jungle évacuée, un autre camp vient d'être ouvert à Grande-Synthe. Pour l'anecdote, il avait une capacité de 1500 personnes et il était complet en une semaine. Voilà. Donc on a une situation qui n'est pas souhaitable et aucune solution simple. Eh bien, pour trouver des pistes, c'est tout bête, on va reprendre certains de nos problèmes. Déjà, celui des passeurs, qui à mon sens est assez grave, puisque indirectement, ils alimentent cet afflux, vu que c'est dans leur intérêt que les gens aient la volonté d'aller en Angleterre. Du coup, si on arrive à démanteler les réseaux de passeurs, on atténue le phénomène qu'on observe à Calais. De la même manière, il faut sensibiliser les migrants à la réalité de Calais et la réalité de la frontière anglaise. Parce qu'il y a de nombreux migrants qui regrettent d'être venus et veulent rentrer chez eux. Ça, c'est aussi un vrai problème, l'information. Ensuite, un autre souci, c'est la mésentente européenne. Il faudrait que les pays d'Europe calment leurs égos nationaux respectifs pour mettre en place une réponse plus coordonnée. Parce que pour l'instant, l'Europe arrive à se mettre d'accord uniquement pour aller demander à la Turquie de retenir les migrants, en échange d'aides financières et autres concessions en tout genre. Voilà. Donc, pour tout le reste, l'Europe se déchire. Pourtant, répartir quelques millions de personnes au sein d'une Europe qui compte plus de 500 millions d'habitants, ça semble pas être hallucinant. Et c'est hyper dommage, parce que l'Europe s'est fait pour des problèmes comme ça. Hein, c'est sur ce genre de truc qu'on l'attend. Alors, non seulement l'Europe ne prend pas cette direction, mais en plus, elle prend la direction contraire, en se fracturant plus que jamais sur des questions identitaires. Genre en s'occupant, comme elle peut avec des Brexit, c'est le fait que la Grande-Bretagne sort de l'Europe, ou la crise de l'euro, les sanctions contre la Russie, entre autres. Enfin bref, autant de sujets qui divisent les opinions politiques et font monter les extrêmes, affaiblissant les démocraties européennes en les empêchant de parler d'une voix forte. Le problème de Calais, il n'a pas de chance. C'est un problème qui s'étend sur des dizaines d'années, qui est assez local. Tous les ingrédients sont là pour que les gens l'oublient. S'il y a une vraie solution, elle est bien à l'extérieur de Calais. Et elle est dans la paix. Calais nous fait prendre conscience que nous vivons dans un monde globalisé, même au niveau migratoire, malgré les frontières apparentes. Et ce qui se passe dans un pays à l'autre bout du monde, ça peut avoir des répercussions sur un village au nord de la France. Ces problèmes-là, ils devraient nous concerner davantage, avant que ça prenne l'ampleur qu'on voit là. Parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où de plus en plus, jusque dans les faits, le problème des autres, bah c'est notre problème aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Big up aux associations qui sont sur Calais même et qui font un taf formidable. Je voulais remercier aussi les tipeurs qui soutiennent le projet. Vous pouvez vous aussi soutenir le projet sur tipeee.com/CyrusNorth. Merci de me suivre sur Facebook, facebook.com/CyrusNorth, Twitter, twitter.com/CyrusNorth et Snapchat. Love, peace. Ceci est un tableau de révolte, un véritable cri de honte. Je ne peux supporter les grands malheurs que des peuples font subir aux plus faibles. Tu dois savoir qu'à cette époque, en 1937, l'Allemagne était gouvernée par les nazis, des extrémistes qui détestaient tous ceux qui étaient différents de ce qu'ils étaient. En Italie et en Espagne, des régimes politiques de cette même tendance avaient également pris le pouvoir. Ce jour-là, le 26 avril 1937 exactement, Des avions de guerre de ces trois nations réunies vinrent anéantir par des bombardements un petit village du Pays basque espagnol. Pour quelle raison? Seulement pour essayer leurs armes et leurs tactiques de guerre. C'était une des toutes premières fois, depuis que l'homme est sur cette terre, que des militaires attaquaient depuis le ciel un village de civils sans défense. Tu te rends compte? L'horreur totale. Des pauvres gens, sans défense, attaqués ainsi par surprise. Dès que j'ai su cette information, je me suis enfermé dans mon atelier et j'ai composé jour et nuit ce tableau, écœuré par la bassesse de certains humains. Je vais essayer de te l'expliquer simplement. Que remarques-tu tout d'abord? Oui, bien sûr, moi qui aime tant la couleur, je n'ai pas pu en mettre dans ce tableau. C'est avant tout un tableau de deuil. Du noir, du blanc et du gris, c'est tout. Que vois-tu encore? C'est cela. Des animaux, des hommes, des femmes, des bébés. Regardons-les ensemble et davantage en détail. Commençons par la gauche. Vois-tu cette tête énorme de taureau? C'est pour moi le symbole de l'Espagne martyrisée. Juste au-dessous, vois-tu une mère qui tient son jeune enfant blessé? Elle pousse un cri de terreur. Vois-tu la tête de ce cheval affolé par les bombardements? Et ces lumières qui éclairent bien la scène pour que cette horreur ne soit jamais oubliée? Vois-tu encore, sur le sol, cette statue détruite, aux bras cassés et qui tient encore une épée dans la main? Et ces pauvres gens qui courent en tous sens pour essayer désespérément de sauver leur vie. J'ai peint ce tableau jour et nuit et me suis précipité pour l'exposer, pour que chacun puisse ressentir le grand scandale de cette attaque. Un jour plus tard, pendant la guerre, alors que l'armée nazie occupait la France, un officier de la Gestapo est venu perquisitionner dans mon atelier à Paris. Quand il a vu le tableau de Guernica, il m'a demandé « C'est vous qui avez fait cela ?» Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai répondu « Non, ce n'est pas moi, c'est vous !» Il a très bien compris mon allusion et il est reparti, très vexé. De nos jours, la démocratie a retrouvé sa place dans ces trois pays et crois-moi, j'en suis très heureux. N'oublie pas ce tableau. C'est sans doute, à travers le monde, le plus connu de tous mes tableaux. J'y tiens beaucoup. Il se nomme Guernica, du nom de ce petit village martyrisé, en plein cœur du Pays basque espagnol. Je suis super contente parce que c'était pas évident de vous avoir, plusieurs mails, coups de téléphone, pas évident de vous avoir, et puis une fois qu'on vous a, ça y est, ça marche. Enchantée Catherine. On dit Catherine, il n'y a pas de nom de famille, préférez comme ça? Oui, n'importe. Je m'appelle Catherine Andriane. Voilà. Je suis gérante de Semaille depuis 16 ans. Voilà, et moi j'avais envie d'un peu vous rencontrer un peu en profondeur, c'est-à-dire, on va commencer comme ça. Comment a démarré, comment on appellerait ça La société Semaille. Bah, au départ, moi je suis jardinière avant tout. J'ai remarqué à cette époque-là, donc on était fin des années 90, et en Belgique, pour trouver des anciennes variétés, c'était vraiment très difficile. On était dans des variétés standards, classiques, qu'on trouvait en jardinerie. Très peu de bio en Belgique, il fallait aller à l'étranger pour en trouver. Et là, on a fait une rencontre d'un semencier français qui venait en Belgique et qui nous a fait découvrir la diversité. Et donc là est venu le fait de pouvoir en proposer en Belgique et puis de voir un peu quel était notre passé sur la semence, voir un peu qu'est-ce qu'on avait créé ou non comme variété belge. Et donc là, j'ai commencé à faire une recherche grâce à une aide. Donc j'ai remis un projet à la Fondation Roi Baudouin pour essayer de retrouver des variétés belges, pouvoir les produire et les commercialiser. Et donc toutes ces démarches m'ont fait remarquer que de fait, il y avait énormément de variétés qui avaient disparu en Belgique. Déjà au niveau européen, c'était près de 80%, mais je crois qu'en Belgique, on est à plus de 90% de variétés qui ont disparu. Des semenciers, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même à peu près dans chaque ville où il y avait du maraîchage. Il y avait bien un semencier ou l'autre qui travaillait avec des petits maraîchers pour reproduire des variétés locales. Mais tout ça a complètement disparu dans les années 50. En tous les cas, les recherches que j'ai faites se sont surtout arrêtées. Enfin, les traces que nous, on pouvait avoir, c'était sur Gontier à Huy, qui était un gros semencier assez connu, qui a perduré encore après, mais jusqu'aux années 50, il travaillait avec des maraîchers de la région. Et après, il a acheté tout à l'extérieur. Il n'y avait plus de production ici en Belgique. Et donc, ce qui explique la disparition de toutes ces variétés qui étaient produites dans les régions maraîchères. Mais par contre, il y a des noms qui restent encore, comme le céleri AGFA de Huy, le haricot roi des Belges, la laitue blonde de Laeken. Donc c'est toutes des variétés qu'on a pu retrouver au cours des années et qu'on a pu commercialiser. Mais il y a encore des recherches à faire. Notre travail n'est pas encore terminé. Waouh, oui, j'ai plein de questions, mais tu peux expliquer en quelques mots, hein, j'imagine bien que si on veut aller voir plus en profondeur, mais comment ça se fait qu'en fait, toute cette variété qui est là, qui est riche en Belgique, disparaît en fait. C'est énorme, 90% qui disparaît. Oui, mais ça s'explique aussi, dans le sens où c'était tous des petits semenciers qui existaient avant, qui ont disparu au début du XXe siècle. Dans les années 50, il restait quasiment plus que Gontier et quelques semenciers encore. Dans certaines villes, j'oublie le nom de celui qui était à Namur, mais ça faisait longtemps qu'il ne produisait plus ou qu'il ne faisait plus rien produire par les maraîchers de la région. Donc tout était acheté à l'extérieur et c'était des variétés, même dans les anciennes variétés, c'était des variétés hollandaises, des variétés françaises qui étaient proposées par des plus gros semenciers. Donc toutes les variétés belges qui ont été reproduites pendant des siècles, celles-là n'étaient plus reproduites. Voilà, ça explique. Tandis qu'en France, par exemple, ou en Hollande, on a encore des noms, quand on achète des semences, où on entend encore des variétés, la laitue rouge grenobloise, le haricot de Tarbes. Donc, c'est toutes des variétés qui sont bien françaises, parce qu'il y a des semenciers, des gros semenciers qui ont continué à les produire. Maintenant, même ces variétés-là, dans les variétés françaises, on est quand même à près de 80% de la biodiversité qui a disparu, parce que les objectifs des semenciers actuellement, c'est de créer des hybrides, c'est de créer des OGM, etc. C'est de rendre de plus en plus dépendants aussi bien les maraîchers que les jardiniers vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des gros semenciers. Mais dis-moi, Catherine, j'ai l'impression qu'être semencier, c'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, il ne faut pas être spécialement riche pour être semencier. C'est à l'origine du monde, c'est comme ça. J'imagine que l'être humain, il a compris que quand il cultivait dans son jardin, eh bien, voilà, il pouvait reproduire les semences. J'aimerais un petit peu comprendre, parce que tu dis il y a les grands semenciers, puis il y a les petits semenciers. Donc même avant ça, quand on parle de semenciers, c'est des gens qui se sont organisés pour produire des semences et des semences reproductibles. Mais avant ça, les jardiniers, les maraîchers gardaient quelques variétés phares chez eux qui correspondaient bien à leur terroir et ils faisaient leurs semences eux-mêmes, et tout ce savoir-faire a disparu. Je sais que c'est con, hein, mais je te laisse tousser. Attraper froid, Catherine. Mais donc les semenciers riches en diversité disparaissent au nom de l'industrie, en fait, ça qui se passe, qu'est-ce qui... Oui, on peut prendre même, par exemple, à Villemorin, qui maintenant pousserait plutôt vers les hybrides. Villemorin, c'est une société semencière en France qui est très connue, mais qui était déjà présente au XVIIIe siècle et qui a fait un travail énorme au niveau de la sauvegarde de la biodiversité à l'époque. Et puis, les objectifs commerciaux ont évolué et évoluent encore pour arriver à faire du vivant quelque chose de très réglementé et également pour eux essayer, quand ils mettent de l'argent pour créer par exemple des hybrides ou des OGM ou ces semenciers là industriels, les semenciers industriels, il faut qu'ils rentabilisent la donne. Et donc, ils mettent des choses en place. Enfin, les hybrides est un bon exemple. Une fois qu'ils ont créé des hybrides, il y a toute une recherche derrière. Ils créent des variétés aussi, donc il y a une création variétale. Donc, il y a un double objectif. Il faut rentabiliser, donc on ne peut pas reproduire leurs semences. Et la deuxième chose... Donc, pour pouvoir... acheter, hein, on ne peut pas reproduire pour devoir racheter. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme c'est des hybrides, de toute façon, on voudrait même les reproduire, ça ne recréera pas la variété. Ça fera autre chose comme légumes, mais pas le légume d'origine. Donc, toutes ces sociétés-là mettent des choses en place pour qu'au niveau commercial, elles rentabilisent tout le travail de recherche qui a été fait derrière. C'est une façon de parler, mais c'est grâce à tous ces jardiniers, à tous ces paysans, ils ont été rechercher ces variétés-là quelque part pour créer et faire des nouvelles variétés. Et donc, quelque part, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi là-dedans pour après empêcher les paysans de reproduire des variétés de blé. Par exemple, je pense au blé parce que ça va aussi jusque-là. Toute la problématique semence ne s'arrête pas seulement aux variétés potagères. C'est beaucoup plus large que ça. Mmh. On parle même maintenant, il y a des émissions qui sont passées où on reparle de la semence paysanne pour bien montrer que la semence, c'est pas le lobby seulement de semenciers, c'est aussi... Des jardiniers, des paysans qui ont créé, sauvegardé des variétés pendant des générations. Et c'est pour ça que nous, on reste ouverts dans notre travail. C'est quelque part pouvoir sauvegarder la biodiversité, mais pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse la reproduire. Et ça, je trouve que c'est super important d'insuffler... aux gens qui avaient tout un savoir-faire avant à tous les niveaux, que ça soit au niveau des maraîchers, ils avaient vraiment des variétés phares qui correspondaient vraiment à leur terroir et ils produisaient leurs semences. Maintenant, il n'y a plus un seul maraîcher qui fait sa semence. C'est quelque chose qui a disparu. Il y en a qui essayent d'y revenir parce qu'ils ont cette conscience de se dire c'est fou qu'on ait perdu ça, c'est une richesse, et donc certains maraîchers ont envie à nouveau, mais c'est tout un savoir-faire à réapprendre, et c'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tout ça disparaisse, en fait? C'est quoi la dynamique, en fait? Comment ça s'est passé dans l'histoire pour qu'à un moment donné, des gens décident, alors que c'est depuis, je dirais, que c'est comme faire son pain, c'est comme respirer, c'est comme aller se balader, non? Faire ses semences, ça fait partie de la vie, non? Et comment ça se fait qu'un jour, on dit... parce que si j'ai bien compris, en fait, faire ses semences soi-même, c'est interdit, ou bien je me trompe? Pas nécessairement, ça dépend quelle semence. S'il y a une obtention, donc quand il y a une création variétale, on appelle ça une obtention, on ne peut pas reproduire cette semence-là, on doit payer des royalties à la personne qui a créé la variété. Quand il y a, par exemple, reprenons les paysans dont on parlait tout à l'heure, s'ils achètent du blé à une société semencière qui a créé la variété, donc il y a une obtention dessus, il aurait interdit de reproduire cette variété-là et de l'échanger ou de la distribuer gratuitement après à des collègues. La revente, n'en parlons pas, c'est complètement interdit, mais même l'échange est interdit. C'est bien, ça. Voilà. Et donc, Et à un moment, ça a été même plus loin que ça. Donc, c'était même en dehors de toutes ces obtentions où on peut imaginer que bah, ceux qui créent, qui ont mis beaucoup d'argent pour créer ces variétés-là, veulent avoir un retour d'investissement par rapport à toute la recherche qu'il y a eu. Mais à un moment, il y a une loi qui a voulu passer où on interdisait même les variétés paysannes, qu'il y ait des échanges entre les variétés paysannes. Donc, on voit bien que tous ces semenciers-là essayent de garder la mainmise sur la vente des semences, surtout aux professionnels, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu à ce niveau-là. Si, par exemple, ils créent des variétés, mais à côté de ça, qu'il y a un groupe... les gros semenciers, voilà, les gros semenciers, ils font de la création variétale, mais à côté de ça, il y aurait un mouvement qui se mettrait en place, comme quoi les paysans... commencent à produire leurs semences, à les échanger, etc., ben pour eux, c'est un manque à gagner. Donc, ils ont essayé, à un moment donné, d'empêcher même ces échanges-là, alors que ce n'était pas leurs semences qui étaient échangées. Il n'y avait pas de, d'obtention sur les variétés. Ça n'avait rien à voir. Tout est mis en place actuellement, justement, pour que... aussi bien les maraîchers que les jardiniers soient complètement dépendants des gros semenciers, parce qu'il faut qu'ils rentabilisent entre guillemets leur travail. Et voilà, rentabiliser, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, ils veulent, comme le capital, c'est toujours gagner plus d'argent. On voit bien même au niveau de la dépendance, je parle de la dépendance au niveau des semences, mais quand on voit une voiture, c'est quasiment impossible maintenant de faire ses vidanges soi-même. Quand on achète de l'électroménager, ils font en sorte que genre tous les 5 ans, on doit changer l'électroménager. Au niveau de la bouffe, quand je vois, c'est de plus en plus les gens, ils ne se font plus à manger, ils achètent du tout fait. Donc, à nouveau, tout va dans le même sens que qu'on apporte du tout fait aux gens, aux consommateurs, et que les consommateurs ne sont plus maîtres, quelque part, de leur vie. Ou en tous les cas, ils sont complètement dépendants, ils deviennent complètement dépendants de toutes ces sociétés qui proposent... aussi bien la nourriture que l'électroménager, les voitures. C'est un constat que je fais, et heureusement, y a des mouvements aussi qui se créent, qui se disent non, nous on a envie d'être beaucoup plus indépendants, de choisir ce qu'on veut manger, ce qu'il y a dans la bouffe. On en a marre de qu'on nous fasse manger un peu n'importe quoi. On en a marre d'être obligés... d'acheter des produits dans lesquels il y a des pesticides, des produits toxiques. On veut plutôt privilégier la production locale. Et pour ça, il faut trouver des alternatives et créer des choses alternatives. C'est pas dans les grandes surfaces qu'on va avoir une traçabilité du produit pour savoir exactement ce qu'on mange, si il y a des OGM dedans, si ça vient d'un producteur local. Il y a parfois des petites notes qui sont faites parce que c'est dans le vent, etc., mais ça reste très succinct. Et ça reste très, très difficile à vérifier. Mais moi, je trouve ça dingue. Tu parles de, évidemment, je suis complètement d'accord, hein, des voitures, de l'électroménager, ça, c'est une chose, on va dire. Mais toucher à la semence, enfin, je veux dire, à l'origine, c'est à la terre, quoi, c'est à tout le monde, vous voyez. Comment une certaine partie des humains se sont réappropriés comme ça ces savoirs, c'est quand même énorme, quoi. C'est vraiment une atteinte à la liberté, non? Et je me demande au niveau de la loi, enfin, toi, Catherine, est-ce que tu as des soucis avec, avec ton... Comment tu as appelé Semaille, cette société, ta société Semaille? Ici, je crois que les choses se sont mises en place d'une manière un peu assidueuse. Donc, il a toujours fallu plus produire pour rentabiliser les maraîchers, par exemple. Bon, il a fallu produire plus aussi, rentabiliser leur production pour pouvoir en vivre. C'est un métier quand même très difficile. Et donc, c'était quelque part facile d'acheter chez un semencier la semence. Comme ça, leur énergie était mise vraiment sur la production maraîchère et plus sur la production de semences, même si ça restait limité pour leurs besoins. C'est quand même un travail, il y a des problèmes d'hybridation, il y a, voilà, il y a ce savoir-faire qui fait que ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà. C'est un savoir-faire, évidemment, à connaître. Voilà, oui, et puis le temps que ça prend, parce qu'il fallait quand même une batteuse, il fallait sortir la graine, il fallait la nettoyer. Donc faire la semence, c'est quelque chose, mais il faut arriver à avoir de la semence qui germe. Donc il y avait quand même tout un travail aussi, donc c'était quelque part facile d'aller acheter cette graine-là chez le semencier du coin. Puis le semencier du coin a disparu, on a été chez des semenciers un peu plus gros. Et puis ces semenciers-là, ils n'ont plus proposé les anciennes variétés qui étaient utilisées par des maraîchers. On leur a proposé des choses qui ont été étudiées pour avoir plus de rentabilité. Donc eux, ils ont été intéressés quelque part. Plus de rentabilité, ça veut dire qu'ils s'en sortent mieux financièrement, ils ont plus de légumes à vendre, etc. Mais ça a été fait au détriment du goût. Donc on est arrivé à faire des tomates long life qui produisent bien, qui se conservent longtemps, mais qui n'ont aucun goût. On est arrivé à uniformiser, à standardiser des salades pour qu'elles soient calibrées, pour qu'elles rentrent dans la logistique de vente, des transports, etc. Donc ça a facilité quelque part la vie des maraîchers, mais en même temps, ça les a rendus complètement dépendants jusqu'au fait que maintenant, ils arrivent à avoir des variétés qui restent compétitives par rapport aux anciennes variétés au niveau productivité, mais ils ont perdu en saveur, en diversité, etc. Donc maintenant, il y a un retour où on voit qu'il y a des maraîchers qui veulent à nouveau proposer des variétés anciennes aux consommateurs lambda. Et puis, on remarque que s'ils veulent se procurer des semences, des anciennes variétés comme nous on propose, qui ne sont plus inscrites en catalogue, ils ne peuvent plus l'acheter. Donc ça veut dire qu'un consommateur qui voudrait retrouver ces variétés anciennes dans son assiette, ils ne peuvent plus se le procurer via un maraîcher. Voilà. Mais en même temps, il faut savoir, donc là j'ai passé une étape, je n'ai pas expliqué, en fait, au niveau de la législation, donc normalement, depuis les années 1970, la législation européenne dit que toutes les variétés, pour être commercialisées, doivent se retrouver dans un catalogue européen. Et puis, c'est comme ça qu'il y a 80% de la biodiversité qui a disparu, parce que pour continuer à être inscrite dans ce catalogue, il fallait payer, mais genre, au moins 1000 euros par variété pour les réinscrire. Plus chaque année, payer encore X centaines d'euros pour que l'État puisse faire les vérifications, voir si la variété était toujours conforme au type, etc. Si elle était toujours bien homogène, etc., etc. Et le semencier, s'il faisait ça, il faisait ça pour le bien commun. Donc au lieu que l'État prenne en charge la sauvegarde de la biodiversité, il demandait au semencier de payer pour ça, pour que après tout le monde puisse utiliser. Donc il y a, je vais dire, de moins en moins de semenciers qui ont payé, ils n'ont pas voulu payer cette somme-là pour le bien commun, quelque part. 1000 euros par semence, hein. C'est énorme, c'est de la folie, ça. Voilà, donc c'est un coût, donc c'est un travail bénévole, en fait, de faire de la sauvegarde de variété. En plus, il faut payer, une fois pour X années, hein. Les 1000 euros, c'était reparti, je crois que c'était pour 20 ans, mais chaque année, il fallait repayer pour pouvoir faire les analyses, remettre en culture pour faire les essais variétaux, etc. C'est vrai que c'est un coût, mais en même temps, c'est un patrimoine génétique mondial, européen, enfin peu importe, c'est un patrimoine commun en tous les cas, et c'est l'État qui aurait dû prendre ça en charge. Et dans cette réglementation-là, et c'est là qu'on est tombé à un énorme problème, c'est que comme l'État n'a pas voulu prendre ça en charge, qu'il a voulu le faire payer par les semenciers, et que les semenciers soit n'avaient pas l'argent, ou s'étaient dit, on fait déjà un travail bénévole de sauvegarde de variété, on ne va pas à nouveau payer 1000 euros pour que tout le monde puisse utiliser le travail qu'eux étaient en train de faire de sauvegarde de la variété, de maintenance, on appelle ça de la maintenance de variété. Donc voilà, c'est de là qu'est venue cette perte de la biodiversité légumière. Et donc, grâce à des associations comme le réseau Semences Paysannes, Cocopelli, qu'on entend parler en France, ben, y a eu des mouvements citoyens aussi qui ont été créés, enfin qui sont mis en place, suite aussi au problème OGM. Je vais dire, c'est la même mouvance, c'est la même problématique qui se cache derrière tout ça. Y a les défenses des consommateurs qui a dit, mais comment ça se fait que l'Europe met une directive en place en disant il faut sauvegarder la biodiversité et en même temps il met en place une législation qui va à l'encontre. Et donc de là, c'était dans les années 90, si je ne m'abuse, il y a au niveau de l'Europe des décisions qui ont commencé à être prises en disant oui, il va falloir faire quelque chose. Et depuis les années 2000, 2008, 2009, je ne saurais plus dire exactement quand, il y a une nouvelle réglementation qui doit être mise en place et qui prend énormément de temps à être mise en place. Et cette nouvelle réglementation, pour faire court, dit que, OK, on va essayer de valoriser les anciennes variétés, mais elles ne pourront pas être vendues aux professionnels, uniquement aux jardiniers amateurs. Et il y a uniquement des petites sociétés semencières qui pourront proposer ces variétés anciennes, mais comme pour eux elles sont moins homogènes que les hybrides, ce qui est vrai, mais ça n'empêche qu'elles soient bonnes, qu'elles soient tout à fait conformes à la production végétale. Pour l'État, comme tout a été dans le sens de la standardisation, de la production, de la productivité, pardon, etc., ils veulent continuer. En tous les cas, ils ont des lobbying de gros semenciers derrière qui poussent à ça, qui dit bon, OK, on va faire une ouverture pour les jardiniers amateurs, mais interdit aux maraîchers d'acheter ces variétés-là. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un maraîcher voudrait se procurer des anciennes variétés pour les proposer à ses consommateurs qui n'ont pas de jardin, ben, la législation va l'en empêcher. Actuellement, par rapport à cette réglementation-là, on a nos collègues français qui se font très fort embêter pour l'instant au niveau de la répression des fraudes. Donc, il n'y a pas que Cocopelli qui a des problèmes, mais il y a vraiment d'autres semenciers. Ils cherchent vraiment... c'est presque de l'acharnement, alors que le travail qui est fait, c'est un travail, je vais dire, de sauvegarde du patrimoine commun. Et on vient chercher la petite bête sur des problèmes de noms qui ne sont pas tout à fait conformes, de noms de la variété, parce que je ne saurais même pas dire expliquer. Enfin, ils cherchent la petite bête, alors qu'ils devraient plutôt soutenir tout le travail qu'on a fait depuis plus de 30 ans sur toutes ces vieilles variétés, sans les semenciers bio, parce que c'est les semenciers bio qui ont essayé de sauvegarder toutes ces anciennes variétés qui étaient plus aptes à la production biologique, en fait. Parce qu'elles ont été créées à un moment où on n'utilisait pas d'intrants, autant de produits d'engrais. Parce que tout ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que toutes ces variétés sélectionnées actuellement pour être très productives, il faut en même temps apporter pas mal d'engrais pour qu'elles poussent assez vite, qu'elle arrive à maturité à certains moments, etc. Parce que, je vais prendre le cas de la carotte ou du haricot, bah, c'est une récolte machine. On va pas, comme le jardinier, aller récolter au fur et à mesure des besoins dans le jardin, au fur et à mesure que les carottes poussent, pour en laisser grossir d'autres jusqu'à la fin de la saison, pour les conserver en hiver. Non, il y a une machine qui passe, tout doit être mûr au même moment. Et donc, il faut les engrais qu'il faut à côté de ça. Donc, voilà, donc ça ne correspond pas à l'agriculture bio. La dynamique qui a été mise en place au niveau de la sélection ne correspondait pas à l'agriculture bio. Donc, c'est des petits producteurs bio en semences qui ont vraiment sauvegardé ce qui nous reste de patrimoine légumier. Et quoi, ça donne combien vous avez réussi à sauvegarder, on dirait ça comme ça, ou c'est pas le bon mot? Comment... À sauvegarder, donc ouais. Ça s'appelle la sauvegarde de variété. En quantité, je ne saurais pas dire. Par exemple, nous, dans les 650 variétés qu'on propose, dans les variétés non inscrites, même en catalogue pour jardiniers amateurs, donc si on prend que les variétés standards, à mon avis, on a plus de 200 variétés qui ne sont pas inscrites. Et puis alors, on va voir avec la réglementation européenne comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui va se retrouver dans la liste pour les variétés amateurs. Donc là, il va y avoir encore une évolution, et puis il y aura les autres qui seront inscrits de nulle part. Dans les variétés de tomates, par exemple, vu la variabilité, enfin la quantité de variétés qu'il y a dans les variétés de tomates qui ont été sauvegardées grâce à des collectionneurs, parce que là, on est vraiment dans la collection, bien sûr, il y en a qui ne sont pas inscrites, qui n'ont jamais été inscrites. Mais elles sont bien là, elles sont existantes et elles sont bonnes. Mais elles ne sont pas là calibrables, donc voilà. Prenons le cas à nouveau, par exemple, de la cœur de bœuf. Il y a une grosse discussion pour le moment où on propose maintenant dans les supermarchés ce qu'ils appellent la cœur de bœuf, qui n'a rien à voir avec une cœur de bœuf. Mais ils ont créé une variété qui a un peu la forme du cœur de bœuf, mais très, très côtelée. Mais elle n'a pas du tout le goût, elle est très dure. Elle n'a pas du tout les qualités gustatives de la vraie cœur de bœuf. Et encore dans les cœurs de bœuf, dans les variétés anciennes de cœur de bœuf, il y en a vraiment beaucoup. On n'a pas que de la variété de tomates rouges, on a des jaunes, on a des oranges, on a des vertes, on a des bicolores, on a des roses. Enfin, la diversité est assez énorme, mais au niveau des goûts, c'est super intéressant. Au niveau nutritif, valeur nutritive, c'est super intéressant aussi. Mais voilà, au niveau de la cœur de bœuf, quelque part, le consommateur est lésé, parce qu'on lui fait croire qu'il achète de la cœur de bœuf qui n'est pas de la cœur de bœuf. Mais là, ils ont su faire une variété qui est calibrable. Voilà, qui est bien calibré, et donc au niveau des transports, c'est bon. La vraie cœur de bœuf, il faut vendre, c'est une vente de proximité, c'est pas une variété qui va se garder longtemps, qu'on va pouvoir transporter et vendre 15 jours après, genre, non, ça va pas le faire, ça. C'est une tomate qui est trop fragile, quelque part, pour faire de la grande distribution. J'adore la tomate rose, tu as dit, c'est ça, hein? Oui, non, ça existe. Il y a des tomates bigarrées, il y a des tomates vertes, il y a des tomates ananas, donc avec une chair assez particulière. Dans les tomates, il y a vraiment pas mal de choses. Mais prenons quelque chose du plus classique comme la laitue. Là aussi, on a perdu au niveau du goût. On trouve la salade classique. Maintenant, on a un peu plus dans les feuilles de chêne, mais dans les Batavia, il y a énormément de variabilité au niveau aussi bien de la texture que de la couleur des feuilles. Et ça donne un goût particulier. Le fait d'avoir une certaine couleur, en général, quand on va vers des salades rouges, on va vers un goût plus particulier. Et même à l'intérieur des variétés paumées, de laitue paumée, on a des feuilles qui sont très tendres, mais on a des feuilles qui sont plus épaisses aussi. Et ça aussi, ça donne un goût parfois qui va vers la mâche, donc la salade de blé. Quand ils créent leur variété actuellement au niveau des laitues, les feuilles extérieures, on est obligé de les jeter. La grosse industrie, ils sont arrivés à sélectionner des variétés. Quand on veut manger les feuilles qui se trouvent autour de la pomme, c'est presque du carton. C'est vraiment immangeable. On est obligé de tout enlever et de manger que le cœur. Quand on prend les anciennes variétés, c'est pas le cas du tout. Bien sûr, on enlève quelques feuilles qui sont abîmées, qui ont touché le sol, mais tout le reste est mangeable aussi bien. Et au niveau du goût, on a du goût aussi bien dans le cœur que les feuilles extérieures. Que quand on goûte les variétés standards maintenant en laitue, c'est très insipide. Si on ne met rien dessus, voilà. C'est quand même triste le monde qu'on nous prépare, mais on est dedans. C'est quand même triste en fait, hein, toute cette histoire au fond, quand tu regardes un peu, là on parle des légumes, on pourrait, tu sais, faire le parallèle avec les êtres humains, c'est comme s'il y avait des gens qui dominaient, c'est pas comme s'il y avait, il y a des gens qui dominent et qui imposent leur manière de voir le monde, que ce soit les légumes, tu sais, hyper standardisés, ou les êtres humains, ou alors il faut qu'ils soient, tu sais, d'une certaine manière. Tu comprends, tu vois un peu le parallèle que je fais, philosophiquement, tiens, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que t'es pas fâché à certains moments donnés de dire, mais enfin, et c'est aussi, ça remonte à l'origine de 2000, cette société Semaille, qui fait ses semences elle-même. Donc on propose 650 variétés, mais pour proposer ces 650 variétés, on ne saurait pas tout produire ici. Donc on en a à peu près 120 qui sont produites ici. On commence à avoir un petit réseau de maraîchers qui produisent pour nous également des semences. Ça, c'est assez nouveau, ça fait 2 ans. Et le reste des semences, elles viennent d'autres semenciers bio. Donc on a différents partenaires en France, en Suisse, en Allemagne et en Hollande. On travaille qu'avec des Européens, de toute façon, parce que bah, pour nous, c'est la logique des choses. Si on veut des variétés qui soient adaptées à notre climat, à nos terroirs, c'est pas pour aller les chercher en Amérique du Sud. Voilà. Et puis, au niveau écologique, au niveau empreinte écologique, ce serait un peu un non-sens également. Et... Tu veux que je repose ma question ? Oui. Donc, l'idée, c'était de dire, quand on regarde les légumes et par rapport aux êtres humains, tu vois, c'est comme s'il y avait des gens qui dominaient. Je répète, il y a des gens qui dominent et qui veulent imposer leur manière de voir et de faire aux autres. Est-ce que ça te rend pas... Enfin, comment tu te sens avec cette logique-là, puisque c'est ton métier de tous les jours, en fait ? Cette logique-là n'a jamais été notre logique. C'est pour ça qu'on a créé ce mail quelque part. On a créé quelque part une résistance à ça. Le fait de proposer aussi bien aux maraîchers qu'aux jardiniers des variétés reproductibles, ça va à l'encontre de la dynamique actuelle. Donc nous, on continuera à aller dans ce sens-là. Et même si la législation ne va pas dans notre sens, on continuera avec les consommateurs à essayer de... pas d'imposer parce que c'est impossible, mais en tous les cas, à montrer qu'il y a des alternatives et que nous, on les propose. On a les alternatives qui sont là et on propose des choses qui vont dans le bon sens, dans le sens du bien commun, et qu'on trouve qu'on a raison et qu'on a intérêt à continuer notre combat dans ce sens-là. Mais après 16 ans, tu es toujours bien... je veux dire, tu savais, au départ de la création de cette société Semail, est-ce que tu savais tout ce qui allait se mettre en route comme ça? Tu savais dès le départ que tu allais un peu à l'encontre des idées dominantes qui sont d'uniformiser un peu tout, là? Oui, oui, depuis le départ, on sait qu'on n'est pas dans les clous. La réglementation européenne, elle existe depuis les 1970, donc c'était clair qu'on était un peu hors la loi, malgré que on a jamais eu de problème juridique à ce niveau-là. Mais il y a de toute façon un problème plus sociétal pour moi qui est là, qui fait, comme tu l'as dit, qu'on nous impose des choses qui vont parfois à l'encontre de la vie, à l'encontre du bon sens et à l'encontre du bien commun. Et donc nous, à partir du moment où on trouve ça... tout à fait absurde de suivre comme des moutons quelque chose qui va à l'encontre du bien commun, on avance, on se fait connaître, on en parle, et on voit qu'il y a un mouvement au niveau des consommateurs qui nous soutiennent et qui nous soutiennent à 100%. Combien de fois cette année j'ai pas eu des remerciements de la part de jardiniers en disant « Essayez de continuer le travail que vous faites, c'est vraiment super important, on vous soutient à 100% ». C'est régulièrement qu'on a des retours de consommateurs dans ce sens-là. Mais l'idée, j'imagine aussi que sur 16 années... tu as dû voir peut-être aussi de plus en plus de gens, peut-être je me trompe, mais qui, je veux dire, maintenant, on est vraiment, je trouve, de plus en plus avec une jeunesse aussi qui prend la relève, qui est conscientisée, qui a envie, enfin, qui se rend compte, en fait, de toute cette grosse supercherie. Oui, mais pas seulement. Moi, je remarque que nous, on est nés quand même dans les années 60, et il y a pas mal de jardiniers qui sont de ma génération où on a quand même eu cet esprit de critique, etc. Il y a eu le mouvement de 68, il y a eu dans les années 80 aussi, il y a eu pas mal de manifestations antinucléaires et autres. Il y a eu quand même pas mal de mouvements. Et ces personnes-là, même si elles ont pris le train-train quotidien, parce qu'on est bouffé par le train-train quotidien, reste avec un esprit critique. Et quand il y a ce genre de choses au niveau des semences qui se passent, où on dit maintenant, vous n'allez plus pouvoir acheter ce que vous voulez en semences, ils se sentent attaqués dans leur fort intérieur en disant, oui, mais c'est la source de vie, une semence. Comment est-ce que on peut s'acharner à nous empêcher quelque chose qui est aussi basique au niveau de la vie que la semence. Donc, l'écho que nous... Enfin, tout le travail qu'on a fait fait vraiment écho chez eux en disant, oui, on va soutenir ce mail, on va commencer à produire aussi de la semence chez nous, on va commencer ce travail aussi, on va essayer de récupérer ce savoir-faire. On ne veut pas se faire bouffer complètement par toute cette législation-là. Ça, pour moi, je remarque que c'est pas seulement les jeunes qui sont anticonformistes qui vont faire ça, c'est des gens aussi qui ont un boulot bien stable, qui peuvent avoir un boulot même au niveau administratif, au niveau fonction, enfin bon, à différents niveaux, qui disent là, non, c'est trop. Non, là, on veut plus. Là, ça va pas. On a envie d'être à nouveau maître de notre consommation. On crée des groupements d'achat. On va se mettre ensemble. On va créer des choses. Et la semence fait partie de ces choses à récupérer. Voilà. Bah, quelque part, ça doit te faire plaisir, ça, non ? De sentir ça, ce mouvement-là qui est là. Enfin, comme tu dis, c'est pas né d'hier, mais ça prend de plus en plus de place, non? Tu dois être contente. Enfin, et quand je dis tu, j'imagine que ce mail, c'est pas que Catherine. Donc c'est pas que Catherine. Et puis bon, on fait partie aussi d'un groupe. Je n'en ai pas parlé. Donc j'ai parlé du réseau Semences Paysannes, mais on a créé avec d'autres semenciers bio un groupe qui s'appelle les Croqueurs de Carottes, pour essayer justement d'être plus fort ensemble face à cette réglementation qui arrive. Parce que d'un côté, on sait qu'on est soutenu par les consommateurs, mais d'un autre côté, on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête qui dit « bon, bah, à quelle sauce on va être mangé ?» quoi. Donc on sait que ça va pas, même si on est soutenu d'un côté à 100% par pas mal de monde, on voit aussi que tout le monde ne va pas dans le même sens, qu'il y a des personnes qui se conscientisent et puis il y en a d'autres pas. Et puis on remarque au niveau des décideurs, parce que c'est là que ça se passe quand même, en définitive, c'est là que se décideront la nouvelle législation. Il y a des personnes à l'Europe qui nous soutiennent, mais il y en a d'autres qui ne nous soutiennent pas du tout. Et donc voilà, il y a un rapport de force qui est... pas du tout en notre faveur, parce que nous, on n'a pas lobbying avec comme les gros semenciers industriels, où ils ont des avocats, des scientifiques, etc., qui pondent des dossiers assez bien ficelés pour les parlementaires européens, pour guider la législation dans un sens ou dans un autre. Nous, on n'a pas ce rapport de force. Enfin, il n'est pas égal, quoi. Par contre, bah, de fait, il y a des associations comme le réseau Semences Paysannes qui agit beaucoup au niveau législatif et qui participe à différents niveaux de décision pour essayer de faire entendre aussi l'autre voix, notre voix et la voix des consommateurs. Donc voilà, je dirais que c'est dans les prochaines années qu'on va voir exactement vers quelles décisions vont être prises. Et tu sentirais quoi qui va arriver? Comment est-ce que tu sens venir la chose, toi? Bah, d'après certaines personnes qui participent fort aux réunions qui ont eu lieu pour cette réglementation-là, ce qu'on remarque, c'est quelque part, bah, on donne d'une main, on dit, bah, voilà, maintenant les petits semenciers vont pouvoir, comme nous, les micros, entreprises, comme ils appellent ça, des micro-semenciers, ils vont pouvoir vendre aux jardiniers amateurs, mais déjà pas aux maraîchers. Mais en plus, ils ont réintégré à l'intérieur de cette réglementation semences tout un paramètre sur les passeports phytosanitaires. Donc on est déjà contrôlé actuellement au niveau phytosanitaire, on doit être en ordre, ce qui est normal, on ne peut pas vendre des choses qui pourraient poser des problèmes au niveau phytosanitaire. Mais ils veulent le légiférer différemment, Alors, je ne sais pas encore très bien comment. C'est là la dernière phase, je vais dire. On verra exactement ce qu'ils vont mettre en place. Mais ce qui se dessine, c'est, en tous les cas, pour des petits semenciers comme nous, des micro-entreprises, c'est qu'on va avoir au niveau administratif, au niveau logistique, au niveau financier, donc, un coût supplémentaire à prendre en charge par chaque entreprise pour pouvoir faire toutes ces analyses au niveau des problèmes phytosanitaires. Bon, apparemment, ils parlent d'auto... comment est-ce qu'ils appellent ça ? Des autocontrôles qui devraient être pris en interne. Et là, bah, pour ça, bah, il faut des sous. Et nous, en tant que micro-entreprise, si on est obligé de faire ça, bah, ça risque que... De nous porter préjudice et peut-être même jusqu'à la faillite s'ils nous imposent de mettre en place des choses qui vont coûter très cher. Donc, à voir. Oh, ce serait trop triste, hein, vraiment, parce que vous faites un travail magnifique, vraiment. Je trouve que les semences, c'est l'origine de la vie, c'est la diversité, c'est la liberté aussi. Mais Catherine, un mot de fin, ou en tout cas quelque chose que j'aurais pas, parce que c'est pas mon métier, j'y connais rien, mais qu'est-ce que tu auras envie de faire passer aux gens qui vont entendre cette rencontre ? Un peu ce qui a été dit tout le long, c'est vraiment essayer de vous réapproprier la vie quelque part. C'est vrai qu'en nous soutenant, les consommateurs, les jardiniers vont pouvoir continuer à trouver toutes ces anciennes variétés. Mais je dirais, si jamais on nous met trop de bâtons dans les roues et qu'on est obligé de fermer ce mail, bah c'est qu'ils continuent notre travail, qu'ils s'associent, qu'ils créent des maisons de semences, des groupes de jardiniers, des groupes d'enfants. Enfin, voilà, qui continue quelque part notre combat d'une manière plus associative, avec toutes les limites que ça apporte, parce que c'est vrai qu'il y a tout un savoir-faire, ça prend du temps, enfin, il y a tout un travail qui est assez compliqué à mettre en place si on ne fait ça que d'une manière dilettante. Donc là, il faudra peut-être créer d'autres structures qui permettent de continuer ce travail-là. Bah, tu vas pas quand même mettre la clé sous la porte, là. Non, je parle pas de ça, mais il faut voir. C'est pas moi qui décidera. C'est pas moi qui décide du futur. On peut mettre des choses en place comme on les a mis depuis 16 ans. Donc, on fera en sorte de continuer dans ce sens-là. Mais si on a l'AFSCA qui arrive et qui met les scellés sur toutes les semences, là, on n'aura pas le choix. Parce que c'est quand même le pouvoir qui décide, c'est quand même l'État qui légifère, qui contrôle et qui accepte ou qui n'accepte pas notre travail. Je suppute qu'il peut y avoir des problèmes. Je vais dire l'extrême, ce serait d'aller jusque-là, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas. Et puis surtout, j'espère que si jamais il y avait quelque chose de cet ordre-là, il y aurait la masse de gens, parce que tu dis que c'est l'État qui décide, c'est vrai. Mais il y a aussi les gens qui ont combattu depuis la nuit des temps pour pas se laisser faire. Pour pas se laisser faire, quoi. Ça aussi, il y a dans l'histoire, non ? Oui. Et j'espère que ce sera suffisant, en tous les cas, pour qu'on continue ce travail et que ce combat n'ait pas été fait pour rien.